commence, elle te parle, elle te hante, elle te nargue, elle crée souffrance et pleure sans jamais annoncer son heure. Elle arrive sans prévenir, sans lâcher un soupir, tu cours vers elle. Ou c'est même elle qui t'appelle, elle passe tous les jours, mais elle regarde autour, elle te connaît, tu sais, fait des détours jusqu'au jour où voilà un détien se fait embarquer. T'étais pas prêt, t'as pleuré, t'as arrêté, tu lui avais pas tout dit, t'as des trucs à te reprocher, tu pensais pas ce que t'as dit, c'était ton jour et ta nuit, tes rêves et tes cauchemars, ta plus belle raison de vivre, ton seul souffle d'espoir. Des fois même tu crois c'est ta faute, mais il paraît qu'il faut pas, tu rêves de son corps, tu touches du bout des doigts, la présence devient absente. Mais le temps file tout seul maintenant. T'auras tout ton temps pour parler, alors cherche pas à le rattraper. En garde en tête les rires et les sourires, la force de construire, l'injustice de tout détruire. Écoute la nuit, t'entends des bruits, tu flippes. Les photos se figent et jaunissent, la mémoire s'efface et s'éclipse. Le timbre de la voix disparaît avec le temps, comme tous ceux auparavant. Les horloges s'arrêtent, pourtant le temps court. Il fuit sans pudeur et il fuit sans détour. Les pleurs remplacent la joie de vivre, le silence remplace les rires et l'envie de fuir. Remplace celle de souffrir, c'est injuste, c'est violent et percutant. Pas de recul, pas mot, pas de temps, juste un fil narrateur sans sens. Puis l'absence, le regret, la vie changée, plus rien comme avant, plus rien sans toi, ton odeur, tes sentiments. Plus qu'un souvenir, une mémoire à honorer. J'accepte de parler sans fin pour énumérer ce que t'étais. Parler de toi chaque jour pour ne pas oublier. La vie est éphémère, le temps nous appartient désormais, c'est clair.